Amandla, cette semaine, c'est la situation au Mali qui retient notre attention en Afrique. Pour récapituler brièvement, rappelons que le 22 mars 2012, l'armée malienne, au travers d'un coup d'État, limogeait l'ancien président Amadou Toumani Touré. La crise au Mali s'est aggravée lorsqu'au nord du pays, une sécession a été déclarée par le Mouvement national Touareg pour la libération d'Azawad, le MNLA, et le groupe Ansardine. À ce titre, ces deux entités ici ont installé un État islamique au nord, avant de tomber en juin 2012, quand Ansardine et d'autres groupes islamiques ont pris le contrôle de Gao, Tombouctou et Kidal. Les civils continuent de fuir l'instabilité politique, l'insécurité, les abus généralisés des droits humains, l'application stricte de la charia et la menace d'une intensification désormais des combats. La pénurie de services essentiels aussi cause le déplacement des populations. Début décembre 2012, environ 150 000 personnes avaient fui le pays, alors qu'environ 200 000 autres étaient déplacées à l'interne. Aujourd'hui, c'est une crise politique humanitaire sans précédent qui prévaut dans un Mali désintégré. Ce n'est pas la Communauté de développement économique de l'Afrique de l'Ouest, ni l'Union africaine, ni les Nations unies ou encore l'OTAN, mais désormais la France qui mène depuis le 11 janvier dernier une opération militaire dans un but avoué de lutter contre le terrorisme. Quelle analyse peut-on faire des enjeux de cette crise? Pour tenter de répondre à cette question, il convient d'appréhender la crise au Mali dans un contexte régional, en tenant compte de la rémanence historique, c'est-à-dire de certains facteurs qui se sont inscrits dans le temps passé, mais qui continuent à produire des effets et tensions au Sahel, comme le souligne Mehdi Taj, doctorant à l'Université de Paris, la Sorbonne, sur la géographie politique de l'espace sahélien. En ce sens, il y a d'abord des facteurs historiques à prendre en compte dans la lecture de ce qu'il nomme au Sahel un système de conflits. Ici, il faut voir notamment par rapport à la question Touareg, une fracture sociale dans la région sahélienne qui serait matérialisée dans le passé par la traite islamo-arabe puis européo-coloniale, une fracture souvent renforcée par l'instrumentalisation, voire la complicité de populations locales et rivales. Ainsi, lors de la décolonisation, de nombreux États du Sahel ont regroupé administrativement des populations caractérisées par de lourds contentieux historiques, notamment celles victimes de la traite, qui doivent assurer la cohabitation avec des groupes sociaux ayant participé activement au sein de l'appareil négrier. Donc, il y a de ce point de vue un besoin de résoudre cette fracture sociale qui est ancrée dans l'histoire et qui apparaît ici difficilement conciliable avec les paramètres nécessaires à l'édification de l'État-nation hérité de la période de décolonisation. Alors, cet antagonisme peut participer à l'explication de ce système de conflit au Sahel, en l'occurrence au Mali, entre ce qui était de l'autorité étatique et l'autorité traditionnelle des populations nomades Touareg, traduit dans les faits par les revendications du groupe le MNLA au nord du Mali. À cette crise au Sahel, le chercheur Mehdi Taj juxtapose aussi des facteurs plus récents, mais fortement déstabilisateurs, tels que la profonde défaillance des États sahéliens, pour cause de motifs politiques et économiques complexes, souvent liés au néocolonialisme, qui sont incapables d'assumer les attributs de leur souveraineté sur l'ensemble de leur territoire, les sécheresses et famines amenées à s'amplifier compte tenu des effets attendus du réchauffement climatique, la pauvreté, la précarité économique et sociale, le manque de perspectives d'avenir pour toute une jeunesse désœuvrée, la montée en puissance des trafics en tout genre et notamment du trafic de drogue en provenance d'Amérique latine dans la zone sahélienne, le terrorisme incarné principalement par ACMI, ou encore des rivalités et tensions entre États sahéliens, les ingérences des puissances extérieures instrumentalisant divers facteurs de tension afin de mieux contrôler les richesses avérées et potentielles, telles que le pétrole, gaz, uranium, fer, or, cuivre, étain, pour ne nommer que celles-ci. Les effets induits de la guerre en Libye, etc. Ici, il est à souligner en effet que la déstabilisation de la Libye, suite à l'intervention de l'OTAN, a libéré des forces telles que la dissémination d'armes sophistiquées, le retour au Mali massif de réfugiés sahéliens et de Touaregs armés qui étaient incorporés à l'armée de Kadhafi, par exemple, qui ont abouti au réveil de la rébellion Touareg au Mali, qui s'est matérialisée par l'attaque le 17 janvier dernier par le MNLA de localité de garnison militaire au nord du pays, soit tout près de 2 mois juste avant le coup d'État, mené par le capitaine Sanogo le 22 mars de la même année. Alors, pour ajouter à ces enjeux, avec nous, Aziz Salmon Fall, qui vient nous éclairer sur la question. Est-ce que... Oui, d'abord, très rapidement, réagir sur les éléments apportés par ce chercheur. Je crois qu'à la fois, c'est tout à fait pertinent, mais il faut les replacer dans une historicité, puisqu'on parle d'une historicité plus large. D'abord, le fait que le plus grand empire, en fait, qui s'étendait de Bagdad jusqu'à Cordoue et qui était l'emblématique de la culture almoravide, a eu à créer non seulement un immense espace panarabe, mais aussi musulman, où existaient et coexistaient les cultures juives et chrétiennes dans tout cet espace méditerranéen, donc de part et d'autre de la Méditerranée, et que par la suite, il va y avoir des influences arabes qui vont créer des révolutions maraboutiques. Et ces révolutions maraboutiques touchent tout l'espace. Ça va donc du Nigeria, du Sokoto, en passant par le Niger, le Mali, l'espace du Sénégal. Et ces expériences maraboutiques, certaines avec des très grandes confluences de fondamentalisme, créent effectivement un terreau social ouvert à la possibilité de ce genre de culture étatique, en tout cas d'une idée d'un État de type charia. Ceci dit, on est très très loin de ce qui se passe actuellement, qui est en fait l'instrumentalisation de la donne sécuritaire, qui a commencé depuis la guerre en Afghanistan avec les talibans, et qui a eu son point d'orgue avec la situation en Libye. Car ce qui se passe en Libye, c'est que certains de ces mêmes Touaregs qui agissaient parmi les nombreuses factions qui soutenaient Kadhafi, non seulement ont bénéficié de l'aide de la France, et je vais l'expliquer très rapidement lorsqu'on reviendra à la position de la France, mais vont bénéficier du parachutage d'armement destiné à renverser le régime de Kadhafi, vont le garder pour eux, et vont bénéficier d'un second apport lorsque le président malien Abdelaziz va contracter avec Sarkozy un plan de soutien de ces mêmes forces Touareg visant à l'établissement de l'Azawad. Ici, il s'agissait pour la France de pouvoir jouer un rôle de prééminence dans son précaré, puisque les Américains qui font sous-traiter, et c'est là que la chose devient compliquée, qui font sous-traiter l'influence islamique par les forces salafistes, donc qui ont déjà eu à travailler en Tunisie, en Libye, sont ceux-là même qui vont cautionner la donne Touareg. Or, la donne Touareg échappe très vite au régime d'Abdelaziz. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que ce régime, le chef de l'État, va se promener dans la zone de confluence. Il se fait canarder par ses propres troupes, tellement la zone est tendue. Et ce sont ces mêmes Touaregs qu'il prétend contrôler. Il faut rappeler qu'il y a très peu de Touaregs au Mali, mais ils sont davantage disséminés dans le sud algérien. Sont sensibles à deux dynamiques. La première, c'est une dynamique de force algérienne. C'est pour ça qu'il faut parler de l'Algérie dans ce conflit comme étant une des solutions politiques. La deuxième, c'est que très rapidement, les forces Touaregs vont commencer à être débauchées par l'argent des salafistes de Dubaï, qui, effectivement, le Qatar va financer matériellement cette nébuleuse qui est actuellement en grande croissance, c'est-à-dire Ansar Eddin, Boko Haram du Nigeria, certains éléments qui vont faire défection du Mujao et du MNLA. Ce qui fait que lorsque le régime de Sarkozy tombe, le régime de Hollande hérite d'une politique française absolument hasardeuse qui à la fois joue sur les deux tableaux et surtout veut s'assurer que si l'Africom rentre en France et par l'entremise, pardon, pas en France, mais par la Libye sur le continent africain, que la France continue à être maîtresse du précaré dans la région. Or, ce qu'on constate, c'est que deux choses sont très importantes. La première, c'est que tous les États de l'Afrique du Nord, à l'exception de l'Algérie, ont été dévoyés par ces révolutions à caractère islamiste, c'est-à-dire qu'on a infléchi les révolutions avec des mouvements qui, justement, sont soutenus par les Qataris et les Saoudiens, qui viennent donc freiner la radicalisation de ces mouvements, puisqu'ils sont compatibles avec le néolibéralisme et surtout l'agenda de Washington. Alors ça pose un immense problème. Pourquoi le Mali et non le Niger, qui se prêtait davantage? C'est parce qu'à ce moment, le Mali, qui avait fonctionné dans la politique de l'Africom, Toumaï Touré est peut-être l'un des artisans les plus grands des forces et des manœuvres avec l'OTAN, a malheureusement sacrifié sa troupe, c'est-à-dire que la corruption au sein de l'armée et au sein de la classe État a fragilisé son régime. Ce qui explique que dès qu'il y a ce coup d'État, il lui restait un mois et demi avant la transition, le pays se retrouve très rapidement exposé, effectivement, à une incapacité de contrer ces forces qui sont en fait redoutablement armées. Il ne s'agit pas de soldats barbus en pick-up, il s'agit de gens qui ont non seulement aguerri à la guerre, mais qui sont lourdement armés. Donc, pour dire simple, il y a une zone stratégiquement qui a été effectivement abandonnée par l'Algérie, par le Niger, par le Mali, donc qui est la question amazigh en général, qui est une question d'éminemment politique, d'autonomie, mais qui n'est pas évidemment un État viable, qu'on appelle l'Azawad. Et cet État, sitôt créé, peut effectivement ouvrir une boîte de Pandore, puisque c'est tout l'espace sahélien qui va s'étirer maintenant jusqu'à la Somalie, qui est actuellement concernée. Et là, il s'agit d'une géopolitique qui associe l'Afrique du Nord, mais aussi la question palestinienne, la question syrienne. C'est un immense redéploiement de pavage étatique qui est en train de se jouer sur le sol africain. Le Mali, à ce moment, n'est qu'un pied, en fait, qu'une petite pièce de ces chevaux. Est-ce qu'on peut aborder un peu plus en profondeur les motivations exact de la France? Alors c'est ça, c'est là que c'est intéressant, parce que la France se retrouve dans une situation assez paradoxale. D'abord parce qu'il y a plusieurs France. Il y a la France-Afrique, c'est-à-dire celle qui s'agite en Afrique n'est pas nécessairement la France. Il s'agit de nébuleuses plus ou moins liées à des milieux affairistes, militaires et stratégiques, autant au Quai d'Orsay qu'à l'Élysée. Mais il y a aussi, surtout, la France de l'UMP, qui a échoué dans sa politique étrangère, qui a été la France de l'opération en Libye, qui a contrefait plusieurs des éléments du droit international pour jouer cette carte. Et il y a surtout la France républicaine incarnée aujourd'hui par Hollande qui dit personne d'autre que la France peut y aller. Or, la question c'est pourquoi maintenant? Parce que très rapidement, les forces intégristes et certains narcotrafiquants terroristes ont commencé à descendre vers le sud. Alors, il fallait absolument s'interposer pour deux raisons. D'abord, parce que l'attentisme des pays africains était notoire. Donc, les pays africains sont pour la plupart des pays compradors incapables d'avoir une politique étrangère cohérente. Et comme je l'ai eu à le dire déjà au mois d'octobre lorsque j'étais en Afrique, ça a été repris, vous pouvez le voir dans les médias, l'appel était que seuls les pays africains unis peuvent contrer cette nébuleuse. Et les deux pays les plus importants, c'est-à-dire le Nigeria et l'Algérie, ont tous les deux ce problème dans leur propre société et donc craignent une solution politique, militaire, et donc sont obligés d'être partie prenante de cette solution. Voyant donc cet espace et ayant vu les deux opérations récentes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Somalie et la Côte d'Ivoire après la Libye, donc la France s'est retrouvée dans une position où elle était la seule actrice possible dans le moment actuel de prendre cette décision politique éminemment dangereuse, parce que c'est l'enlisement dans la région qui peut en être. Mais à la clé, ça réaffirme, c'est-à-dire c'est une réinstallation du glacis français dans la sous-région que Sarkozy avait commencé à défaire. Ça remontre la prééminence des intérêts français face à l'arrivée de plus en plus importante de d'autres acteurs, notamment la Chine, de l'Inde, qui ont un rôle moteur, mais surtout des États-Unis qui veulent réaffirmer, grâce à l'Africom, leur prééminence dans toute la sous-région. Or, comme je l'explique, malheureusement, et c'est là qu'une lecture trop courte africano-africaine est insuffisante, cette question elle est éminemment liée à toute la géopolitique de la Méditerranée. Donc ce n'est pas seulement un problème imminent seulement qui touche le Mali, c'est une zone stratégique qui va s'étendre jusqu'au Soudan, en passant par l'Érythrée, l'Éthiopie, jusqu'à la Corne somalienne, et qui a des ramifications dangereuses. Et actuellement, comme on le voit, la Tunisie, le Maroc se sont alliés sur les positions de Abu Dhabi. C'est pas pour rien que François Hollande était hier à Abu Dhabi, parce qu'il sait que c'est par là qu'effectivement passe le soutien américain, et c'était par là que passait le soutien de Sarkozy et une certaine France-Afrique. La faiblesse, elle vient d'abord de l'État malien, du fait que le système politique démocratique au Mali a implosé, et que seule la cicatrisation de la classe politique malienne et un front panafricain pourraient à ce moment-là s'interposer. C'est pour ça que la situation actuellement est si délicate. Est-ce que, si on se penche de plus près sur cette opération et sa légalité au niveau du droit international, est-ce que la France intervient de son propre gré, ou il y a un certain soutien juridique et politique de la communauté internationale? Bon, mais justement, la question, c'est quoi la communauté internationale? Depuis les 20 dernières années, on a vu une instrumentalisation du système des Nations Unies, c'est-à-dire que le Conseil de sécurité facilement parvient à être une caisse de résonance des intérêts les plus avancés. On l'a vu dans le cas de la situation en Libye, deux poids, deux mesures par rapport à celle du Congo. On l'a vu dans les armes de destruction massive en Irak. Donc, le Conseil de sécurité et son système de droit de veto, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, c'est un système où vous avez cinq membres permanents qui ont le droit de veto, et Et ça prend 9 voix sur 15. Et donc, en réalité, lorsque ces gens sont ensemble, la décision passe. La Russie et la Chine sont contre l'intervention dans les faits. Mais ils se rendent bien compte qu'il faut freiner cette nébuleuse, qui est effectivement une nébuleuse instrumentalisée par toutes sortes d'acteurs. Et c'est là que le droit international ne fonctionne plus. Nous sommes dans un système qui est devenu de plus en plus transnational, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs comme les firmes transnationales qui échappent aux règles du droit, qui instrumentalisent, et cette zone est éminemment stratégique parce qu'elle recèle des terres rares, elle recèle des potentiels en eau incroyables, mais qui sont évidemment très profondément enfouis, et elle recèle évidemment dans son carrefour entre l'Orient, l'Europe et le reste de l'Afrique, une zone stratégique qui ne s'est jamais dépendue depuis le commerce lointain de l'Antiquité à nos jours. Donc c'est vraiment une zone éminemment stratégique que ce nord malien, que l'État malien n'a jamais pu contrôler véritablement. Et donc tant qu'on n'aura pas réglé la question des autonomies de ces peuples-là, il est clair qu'ils seront toujours ouverts à cette perspective. Et le fond du problème, c'est l'échec du développement, la pauvreté, qui est un terreau fertile à cela, c'est la crise de la modernité, le fait que les gens vont chercher d'autres sens que la modernité actuelle, donc vont aller chercher dans les religions, dans le culturalisme, des réponses parce que la modernité occidentale ne leur fournit plus ces exemples-là. Donc vous avez des gens qui sont volontairement dans ces troupes, qui y vont effectivement dans une sorte de croisade contre le capitalisme prédateur, avec le fait qu'il n'y a pas d'autres options et d'autres alternatives. Est-ce qu'on peut entrevoir des scénarios de solutions pour qu'au final, le Mali, mais le pays, la région plutôt, pardon, se stabilise et puis qu'on puisse entrevoir un développement au profit des populations? Bon, alors, c'est une question délicate parce que d'abord, c'est la semaine telle que l'avait pensé l'opération française ne suffira pas. Et il ne faut pas se faire d'illusions, c'est une opération qui, hélas, va aller vers un enlisement. La deuxième donne qui est délicate, c'est que la classe politique malienne étant elle-même fragmentée, c'est-à-dire qu'elle est actuellement déchirée entre le dilemme de voir une réunification nationale, mais aussi le fait que les mutins qui ont fait et défait les régimes civils en place ne sont pas nécessairement ouverts à ce qu'on restaure un jeu démocratique qui, de toute façon, n'a pas fourni les éléments de réponse que le pays attendait. Et il faut rappeler que l'histoire du Mali, c'est l'histoire d'un épisode de type socialiste qui a été freiné très tôt sous Modibo Keïta et qui a connu une longue période de noirceur où c'était un régime militaire et une petite embellie démocratique où les régimes Konaré et Atété n'ont pas pu fournir autre chose que la gestion de la crise. Donc il y a une immense frustration de la classe politique et de la société malienne, mais il y a quand même une unanimité sur le fait que le Mali ne peut pas tout seul se débarrasser de ces va-t-en-guerre qui sont, il faut le rappeler, une coalition, une nébuleuse extrêmement complexe de gens d'abord aguerris, parfois fanatisés par leurs convictions, liés à des réseaux de narcotrafiquants et d'armes, liés à d'autres sources financières très puissantes au culte, donc qui ne sont pas ouvertes comme le reste de la société malienne, qui passent par ces réseaux pour les soutenir et qui les débauchent. Donc c'est clair que, vu le vaste territoire, même si ces frappes aériennes finissaient, même s'il y avait des forces sur le terrain, la capacité terroriste de nuisance, le fait de mettre des bombes, le fait d'enlever, de faire des kidnappings, etc., va perdurer tant et aussi longtemps que ces gens auront ces territoires en leur possession ou des poches de ces territoires. Et c'est pour ça que je ne vois pas d'autre solution que panafricaine à cette solution, parce que ce problème existe et existe dans plusieurs pays de la sous-région. Ça passe par l'implication de l'Algérie dans la résolution du conflit, l'implication du Nigeria, et surtout une position proactive de l'Afrique, telle que l'Afrique a eu à le faire dans le cas du Darfour. Dans le cas du Darfour, les Africains se sont rendus compte que si on laissait les politiques américaines et étrangères étrangler, effectivement, le Soudan éclaterait en mille morceaux. Et donc c'est principalement l'effort des Africains qui a pu sauver quelque peu la situation au Darfour. Alors, merci, Aziz. C'était un aperçu sur le conflit à dimension régionale, mais aussi internationale, qui a lieu en ce moment au Mali. Je rappelle que vous écoutez Amandla, une émission bilingue d'analyse politique et d'information produite par le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, diffusée à CKUT chaque mercredi 19h au 90,3 FM. Aziz Salmon Fall, merci. Il était avec nous. Il est politologue internationaliste membre fondateur du GRILA. Restez à l'écoute. Nous reviendrons avec vous sous peu après la pause musicale. OK, are we ready? I'm Naomi Klein, author of The Shock Doctrine. You're listening to CKUT. Keep merci. Listening. Cheba modelu tarami, samuru modelu bemini, sunjata modelu tarami, damozo modelu bemini, sumauru modelu ngai wili, soni alibe modelu anga wili. Hey, nama wili, anga wili, anyi wili, nama wili, malibe na takanto. Hey, anga wili, nama wili, anyi wili, nama wili, malibe na takanto. Ka fonde unyana kokidal tumbe ambolo antena se ka fonde unyana potombo to tumbe ambolo hey angawi na mawi mali benda ta kanto hey angawi na mawi mali benda ta kanto amena mumfane unyana kokawo tumbe ambolo Amena mune fande unyana Kutombu tutumbe ansaye Hey! Anga wili na mawi, anye wili na mawi Malibe na takanto Hey! Anga wili na mawi, na mawi Anye wili malibe na takanto Bonsoir, vous êtes à l'écoute d'Amandla. Le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, le GRILA, vous convie au visionnement d'un film intitulé « Cabralista » à l'occasion de la 40e commémoration de l'assassinat d'Amilcar Cabral, héros panafricain des luttes de libération anticoloniale. Ce film sera suivi d'un débat sur les enjeux de souveraineté et de recolonisation. Alors, c'est ce dimanche 20 janvier 2013 à 14h au A2860 à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, Métro Berry. L'entrée est gratuite, c'est au coin Saint-Denis et Sainte-Catherine. Aussi, nous vous invitons, pour aller plus en profondeur sur les sujets de l'émission, à consulter notre blog adax.wordpress.com. addax.wordpress.com. Domema morolumane ko domema ngada made made wale domema morolumane ko domema ngada made makui.